beaux pieds distraits errent aux jeunes filles sur ce sable mouillé, frange d'or de la mer. Baisse-toi mon amour vers la blonde coquille que Vénus fait du ton pour lire au flot amer. Les crânes de l'océan n'en a point de pareil, les roses de ta joue ont peine à l'égaler. Quand de sa volupté on l'approche de l'oreille, on entend mille voix qu'on ne peut démêler. Tantôt c'est la tempête avec ses lourdes vagues qui viennent tantonnant se briser sur tes pas. Tantôt c'est la forêt avec ses frissons vagues, tantôt ce sont des voix qui chuchotent tout bas. Oh, ne dirais-tu pas à ce confus murmure que rend le coquillage aux lèvres de carmin un écho merveilleux où l'immense nature résume tous ses bruits dans le creux de ta main. Porte-la mon ange, mais quand ton esprit joue avec lui-même oisif pour charmer tes ennuis, sur ce bijou des mers, manche en riant ta joue et fermant tes beaux yeux, recueillant les bruits. Si dans ces mille accents dont sa conque fourmille, il en est un plus doux qui vient te frapper et qui s'élève à peine au bord de la coquille, comme un aveu d'amour qui n'ose s'échapper. Dis-la pour ta candeur des terreurs et des charmes, s'il renaît en mourant presque éternellement, s'il semble au fond d'un cœur rouler avec des larmes, s'il tient de l'espérance et du gémissement. Ne te consume pas à chercher ce mystère, ce mélodieux souffle, ô mon ange, c'est moi. Quel bruit plus éternel et plus doux sur la terre qu'un écho de mon cœur qui m'entretient de toi.